têtes de camé. Ils ont tous des têtes de camé. Ça se défonce, ça se blingue. C'est la mode, c'est la mode, c'est la mode, c'est la mode. We'll be right back. la tête à l'envers. Yeah. Bye.